Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. من يلخص مسألة صلاة المأموم خلف الإمام القاعد الجالس سيكريجو la mas'ala qu'on a vu أمس, le fait de prier derrière un imam qui fait salat assis. Ce serait il était malade, il y a Abou Bakr assis, c'est l'imam. Abou Bakr radiallahu anhu. Ce serait il est à côté de المسألة هي النسي في الصلاة سي في الصلاة سي هذا يجوز كيف الصلاة قائم كما في الحديث هذا مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالصلاة قاعدا وراءه السي les personnes font salat debout face جائز comme c'est cité dans le hadith الثاني هذا خلاصة المسألة قال رحمه الله تعالى صلاة المريض جالسا تقدم معنا كثير من أحكام هذه المسألة أي صلاة المريض أو المسافر جالسا وقال هنا شيخ الألباني وقال عمران بن حسين رضي الله عنه كانت ببواسير قال في الحاشية جمع باسور ورم سينافكسيون قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب تقدم معنا الحديث كثير لدي في البخاري هذا الحديث إلي واضح يمونتر المراتب لأن أمريد يبو أفور دو مال أسميتر بوزيسيون دوبو لكن يستطيع القعود إلى لا بوسيبيليتي دو ساسوار فهذا في الصلاة قاعدة فإن لم تستطع فعلى الجنب أي كوشي كما تقدم في الأحاديث أنه يومي براسه سي بو با فيغ ركوع السجود إي سو بونش ليجيرمون سي بو با الأعمال بالنيات في الصلاة كوم يبو على هذا الحال فهذا الحديث يموت سي تو بو با دوبو أسي سي تو بو با أسي كوشي على كل حال تصلي فاتقوا الله ما استطعتم وهذا تقدم قال وقال أيضا سألته قال أيضا أي عمران رضي الله عنه سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد هذا تقدم معنا في صلاة النافلة أن من صلى قاعدا وهو قادر على القيام فله نصف الأجر والدليل هذا الحديث on l'avait cité لكن شيخ الألباني الآن لا cité في صلاة المريض قال رحمه الله والمراد به المريض فقد قال أنس رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم قال في الحاشية أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح ستو مسألة تقدمت أي لفت ك celui qui fait salat assis alors qu'il a la capacité de faire debout il a la moitié du ajr لكن شيخ الألباني الآن ظاهر كلامه رحمه الله أنه يقول والمراد به المريض أي si le malade il fait salat assis فإذا لم تجد أجر وهذا الإطلاق فيه نظر هذا الإطلاق فيه نظر لأن سنغلب celui qui a la capacité de se mettre debout et celui qui n'a pas la capacité أما celui qui a la capacité فواضح ولو سيد ملد لأن كثير من المرضى يبقى في سمد دبو ولو يعني مشقة قليلة لكن يبقى في صلاة دبو فهذا سيد على possibility de faire صلاة دبو لكن إساسي فهذا إلى نصف الأجر مثل حكم صلاة النافلة أما سيد على capacity فلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سيد على capacity de سمد دبو un malade maintenant il a perdu ses jambes أو il est paralysé أو toute autre maladie il n'arrive pas à se mettre debout فهذا إلى الأجر كامل لأن نقص الأجر هنا ينسبب أن la personne il dénaisse le qiyam أما هذا c'est pas عليه هذا il n'a pas le قدرة لا يكلف الله نفسا إلى وسعها هذا c'est pas في وسعه c'est pas dans sa capacité فكيف ينقص أجره alors qu'il n'a pas la capacité هذا الإطلاق فيه نظر الصحيح أن المريض s'il n'a pas la capacité إلى الأجر كامل هذا خلاصة القول قال الإمام الترمذي رحمه الله الإمام الترمذي في سننه إلى ناقشة مسألة بكلام جميل قال قال سفيان الثوري رحمه الله في هذا الحديث أي من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر فهذا أي في النافلة في النافلة أما في الفريضة فلا شك أن الصحيح إن celui qui a pas d'عذر سنركن القيام si il ne se met pas debout sa salat elle est باطل لكن سفيان الثوري الآن il montre أن المراد من هذا الحديث c'est un نافلة qu'il soit en pleine santé ou qu'il a une excuse ou qu'il a pas d'excuse قال يعني في النوافل فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم هذا الشاهد أما celui qui a une excuse maladie il ne peut pas se mettre debout il n'a pas la moitié du أجر لا il a l'أجر كامل لأن في هذا الحال il est à son maximum c'est ça وسعه في هذا الحال c'est ça sa capacité لا شك أن il a l'أجر مثل أجر القائم ثم كلام طويل استدل بحديث أبي موسى رضي الله عنه كلام الترمذي دائما قال حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم أخرجه البخاري في كتاب الجهاد حديث صحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم si la personne est malade أو voyage الله سبحانه وتعالى il lui écrit les bonnes œuvres qu'il faisait quand il était résident et muqim quand il était résident et sahih quand il n'était pas malade ça montre هذا أن المريض تكتب له الأجور ولو une chose qu'il ne faisait pas ولو une chose qu'il faisait et quand il est tombé malade il ne peut plus le faire مثلاً il jeûnait le lundi et jeudi il est tombé malade il ne peut plus faire هذا الحال الله سبحانه وتعالى il lui écrit l'ajr لأن s'il sera en bonne santé c'est une personne qui avait l'habitude de faire siya فما بالك هذا المريض il fait الصلاة il ne la délaisse pas, il l'a fait lakin il ne peut plus la faire debout أشك أن أجره il est كامل هذا القول الواضح الصحيح كذلك ابن حجر رحمه الله إلى غاجوته قال ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر والله أعلم نعم فضل الله لواسع celui qui a une excuse il a une excuse il est au même niveau que celui qui fait la chose هذا c'est واضح celui qui fait salat couché ou assis il a une excuse à chaque année il a la même récompense que celui qui fait debout les anna s'il aurait la possibilité il l'aurait fait debout contrairement à celui qui la délaisse dans le nafila matalan il la délaisse par fainéantise ou il est fatigué ou il n'a pas assez de motivation هذا نعم هذا لا شك il n'a pas le même أجر que celui qui fait son possible أما المريض هذا ما ذنبه فقول الشيخ الألباني رحمه الله هذا للمريض هذا الإطلاق فيه نظر فالصواب الآن غزم قوله عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم قوله فله نصف أجر القائم أي celui qui prie assis la moitié de la récompense c'est pour qui c'est qui est visé الأول فله نصف nisf al-ajr, c'est qui? Qui c'est qui a la moitié de la récompense? Ça suffit pas. As-sahih, avec celui qui est en pleine santé, là qui il s'assoit, il manque quelque chose. Il y en a si s'assoit sur salat dhuhr, sa salat elle est batila. Pinnafila. C'est ça, Mourad al-Hadith. Avec tous les autres hadith et à quoi l'ahl al-ilm, on comprend ça. Ou, un malade, lakin il a la capacité de se mettre debout. Il est malade. Lakin, il ressent une fatigue, lakin il peut se mettre debout, ça ne va lui faire aucun mal. Fahada, si il s'assoit, il a le droit, il est malade. Lakin, il a la moitié de la récompense. Amma al-marid, alladhi ma'inda al-qudra, fa il ne rentre pas fil hadith. Cheikh Bazmoul, waffaqahu Allah, il a un kalam tayyib, fi sharhih. على هذه المسائل فراجعوا إلى مفيد قال رحمه الله وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة الوسادة معروف أنغي النبي صلى الله عليه وسلم il a visité un malade et il l'a vu prier على وسادة. Ça ne veut pas dire qu'il était assis sur une wisada. Là, ça c'est jaiz. Al-Kursi, al-Wisada, on va voir, c'est jaiz. Là, An-Nahada, il mettait al-Wisada sur le sol. Hatta, il peut se prosterner. Hada, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ankara Ali. Si tu es malade et tu fais la salat assis, Ja'a fi sunnah, Anna, pour recours, tu te penches. Et pour sujoud, Akhtar. Tu n'as pas besoin de rehausser le sol avec des oreillers ou autres. Et tu fais le sujoud comme si tu étais sur le sol. Là, tu peux pas, tu peux pas. هذا, c'est ça le معنى على وسادة. قال فأخذها فرمى بها. أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأخذ عودا ليصلي عليه. نفس الشيء. Il a pris العود, c'est un bâton. فهكذا il faisait. مثلا le bâton, قدر il est long. Et il faisait sujoud عليه. Tu peux pas te prosterner, tu peux pas. Le النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré la solution. C'est tu t'inclines légèrement pour le ruku' et pour sujoud akthar. Qala fa akhadaha fa rama biha fa akhadha 'udan li yusalli 'alayhi fa akhadahu fa rama bihi wa qala salli 'ala al-ard in istata't. Ay, si tu peux faire le sujoud directement au sol, fais-le. Qala wa illa fa awmi ima'an. الإيماء تقدم نعم قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك الحديث إلى في الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله كما في الحاشية تستفيد من هذا الحديث أنه كما نجي لا يجوز للمصلي سيد ملد إلى أسي لا يجوز يمد الشوز sur le sol حتى il se prosterne sur cette chose, que ce soit un oreiller, un bâton ou autre. Hada, c'est pas min sunnat al-Nabi alayhi salam. Min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si t'es assis, t'es excusé. Enfin, tu te penches légèrement pour le recours et tu te penches un peu plus pour le sujoud. C'est ça, sunnat fi hada al-bab. Qala al-Sheikh al-Albani fi talkhis sifat al-salat. Talkhis sifat al-salat, c'est le petit livret que Sheikh al-Albani il a résumé celui-là. Hada. Hada, t'andor. C'est هذا. Il est طيب. Il est طيب. Cheikh Al-Albani l'a simplifié. فقال في هذا الباب ففي هذا الكتيب هذا il cite plus les hadiths, la manière de sifat salat, celui qu'on étudie نحن, لكن il simplifie. لعله c'était pour les enfants, les débutants. Il est طيب. قال رحمه الله قال ولا يجوز للمصلي جالسا ان يضع شيئا على الارض مرفوعا يسجد عليه وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. هذا الشيخ الألباني il a montré clairement هنا أنه il a pas besoin de rehausser le sol حتى il fait sujoud. لا لأن في هذا الحال t'es excusé, t'as pas besoin de toucher le sol, t'es marié et le prophète صلى الله عليه وسلم il t'a montré comment faire, tu te penches légèrement ou yakfi. On rajoute des masa'il complémentaires à هذا الباب صلاة المريض. المسألة الأولى إذا استطاع المريض القيام مع المشقة الشديدة. Ça arrive souvent. إذا استطاع المريض القيام لكن مع مشقة شديدة. Si ce malade il peut se lever, لكن il y a une مشقة كبيرة. إما ça va lui rajouter sa maladie, ou ça va retarder son ilaj, sa guérison. Tu sais, s'il se déplace beaucoup, il bouge beaucoup, ça peut ralentir sa guérison, ça peut lui rajouter de la fatigue. هل في هذا الحال في الصلاة قائم أم لا عند من إسك سين مشقة كبيرة لكن يبو هو ce malade il pourra مثلا faire صلاة الظهر 4 ركعة دوبو لكن يون مشقة شديدة سيتعب ça va le fatiguer l'akhir إسك يفي quand même صلاة دوبو في هذا الحال عند من يجلس لا يجلس ça veut dire que يقوم عندك لماذا الآن يفضي أدلة أنت تدي يقوم وهو لا يقوم ما الدليل أحزنت لا ضرر ولا ضرار t'as pas le droit de te faire du mal et en avant le hal ça peut te rajouter ou ça retarde ta guérison فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في هذا الحال la personne est plus haut comme celui qui peut pas لأن هذه الصلاة القيام tu dois avoir un خشوع tu dois être à l'aise أما هذا لا si il a une mashaqa shadida il a une mashaqa shadida قد يقول قائل tous les malades c'est هكذا لا il y a des malades مثلا il a une grippe il est malade il peut faire salat debout ça l'empêche pas peut-être que lui il aura le ordre de ne pas aller à la mosquée il est enrhumé لكن chez lui salat debout il peut il n'y a aucun problème tu as la grippe tu peux faire salat debout نحن parle الآن مشقة شديدة الصواب أنه في الصلاة أسيد ولا يكلف نفسه il se fait du mal et il prie debout voilà لأن ça va peut-être lui empirer sa maladie ففي هذا الحال يستريح يسسوى إلى الأجر كاملا قال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج هذا الدين إلى يسر هذا الدين il y a des facilités parmi ces facilités c'est le malade s'il a du mal il fait salat assis المسألة الثانية إذا ابتدى الصلاة قائما ثم عجز عن القيام un malade il pense qu'il a la possibilité et il a la possibilité il se lève au départ ça va bien لكن la deuxième ou la troisième raka il ressent une fatigue ou il sent qu'il ne pourra pas terminer ففي هذا الحال يجلس في هذا الحال il est excusé et il s'assoit et il continue sa salat قال الإمام النووي رحمه الله إذا افتتح الصلاة قائمة ثم عجز قعد وبنى عليها بالإجماع هذا بإجماع أهل العلم أنه si il a des difficultés pendant la salat il s'assoit et il rattrape pas لا il s'assoit et il continue la salat هذا واضح فالسيل à la deuxième raka c'est une prière de 4 raka et il est à la deuxième raka il sent qu'il est fatigué qu'il ne pourra pas continuer il s'assoit et il finit les deux dernières raka هذا بإجماع أهل العلم نقله الإمام النووي في شرح المهذب المسألة الثالثة من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود فهل يسقط عليه القيام un autre cas qui arrive beaucoup pour les malades أنه il peut faire salat debout لكن il a du mal ou il ne peut pas faire الركوع والسجود فماذا يفعل dans ce cas là qu'est-ce qu'il fait il peut faire salat debout il a la capacité لكن il ne peut pas faire le ركوع ou le سجود ou les deux فماذا يفعل et il ne se met pas debout et dès que c'est ركوع et سجود il fait comment il se relève et il fait quoi là نحن on dit الآن هو une personne il est malade Qadar il a des problèmes de dos Lakin ce problème de dos il l'empêche pas de faire salat debout debout ça le dérange pas Lakin le ruku' il peut pas comment il fait la salat assis et dès que le ruku' il fait comment le ruku' il reste assis il se penche légèrement Hakada on avait vu une qaïda dans le qaïda al-fiqhiyya elle est muhimma pour ce genre de situation Amma Ali il est excusé il n'était pas là Amma Anta Abu Bakr tu te rappelles de la qaïda la qaïda que vous avez dit elle est contre vous Al-Mashaqatul Libet ici. Elle est contre vous Ali il a dit il est debout le frère on a dit c'est un frère il a la capacité d'être debout لكن il a mal au dos, il fait le recours. Al-Akh Ali, il a dit s'assoit. Vous avez cité la qaïda, al-mashakka tujlibat taysir. Il n'a pas de mashakka à se mettre debout. Pourquoi il ne fait pas salat debout? La mashakka, c'est un recours. Enfin, un recours, on est d'accord. Lakin, pourquoi il s'assied directement alors qu'il a la capacité d'être debout? Parce qu'il ne pourra pas se mettre pour la. Il ne pourra pas se mettre pour la claque qu'il peut faire moitié assis, moitié debout. Pourquoi moitié? Pourquoi il ne fait pas salat entière debout? Entahaina. Alors il se penche debout, les gens. خلاص فبوركوا سيت سوليسيون لا بون اما لان السي ريز دوبو هو اي بو دوبو يكومونس صلاه دوبو سي سا لوبليغاسيون الله اكبر يكومونس دوبو الى ريف ركوع اي بو بلو سي بو ساسوا اي ساسوا حتى في الركوع الركوع اصلا سي با اسي الركوع سي سو بونشي فا او نيفو دو ركوع اون بان با دو ساسوا لان يا اوكان ليان انتر ساسوا و لو ركوع. Le recours, c'est debout, tu te penches. Il est debout. Il n'arrive pas à faire le recours. Al-An, il a une rukhsa. Si Adelhal, il se penche légèrement. C'est ça, sa taqa. Arrivé sujoud. Si Hal sujoud, il s'assoit. Il s'assoit et il penche légèrement. C'est ça, al-Sahiyah. Al-An, c'est quoi la qaïda? Tu as la qaïda? Fadal? الفرض يسقط مع العجز ça c'est واضح لكن on veut la qaïda pourquoi il ne fait pas salat assis directement pourquoi il fait une partie qu'il est capable il la fait debout c'est quoi la qaïda pas de corps أن الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور لا يسقط بالمعسور c'est une qaïda الشيخ سعدي nous avait expliqué on prend l'exemple de salat أن السي t'as une ibada et tu peux faire une partie sur ta ibada si t'es en difficulté dans une partie ça veut pas dire que tu fais pas la facilité al-maysour la yaskut bil-maysour al-an notre frère Hada, il a des problèmes de dos il peut faire salat debout c'est maysour allez c'est yassir allez est-ce que le fait qu'il peut pas faire un recours on enlève le qiyam là c'est pour ça qu'on a dit au frère Ali le fait qu'il a dit il commence assis là il commence debout il y en a debout il est capable. هذا c'est مهم. Quand tu as une ibada et tu es capable de faire une partie sur ibada, tu l'as fait. Une personne maintenant, il n'arrive pas à faire le recours. Il a des problèmes de dos. Lakin, il arrive à faire sujoud. Est-ce qu'on lui dit, sujoud, tu t'assois sur une chaise ou là? Là, sujoud, il le fait normalement. Le problème du recours, il regarde les solutions qu'il a. Si il peut pencher légèrement, il se penche. Si il a du mal, il doit se mettre assis, il se met assis. Ou hakada. Amma, le qiyam et sujoud, il peut, il les fait à leur place. Al-maysour, la yaskut bil-maysour. C'est une qaïda muhimma. Tu vois, al-khata. أن كثير من العوام s'il a un problème مثلا il a un peu mal au dos tu le trouves il fait salat entière du takbir au taslim sur une chaise alors qu'il a la capacité d'être debout نحن في هذا الحال on lui dit يا فلان fais la salat debout dès que t'as du mal assis-toi أما هم la salat entière il a fait assis là il يجوز المايسور لا يسقط بالمعسور si t'as du mal à faire recours ça veut pas dire que tu délaisses toute la salade debout. Ba'danas, ils ont du mal à faire sujoud. Ba'danas, ils ont du mal à faire certaines parties de la salade. Tu le trouves, il s'assoit du début à la fin. Là, tu t'assois ou tu délaisses ce que tu ne peux pas faire. Amma, ce que tu peux faire, tu le fais à sa place. Raja al-Qa'id fiqhiyya, on avait détaillé hada. Al-Khulasa de ce mas'ala, anna, celui qui peut faire le qiyam, il fait le qiyam. S'il ne peut pas faire sujoud, il se penche légèrement. S'il ne peut pas faire sujoud, là, bas, il s'assoit. Liana, le fait de s'asseoir, c'est plus proche du sujoud que d'être debout. Liana, l'ulama est différencié. Amma, le recours, tu n'es pas obligé de t'asseoir, tu penches légèrement. Amma, le sujoud, la position, tu t'assois, c'est plus proche du sujoud. Enfin, tu t'assois. Liana, c'est ça ton maximum. Tumma, tu te penches légèrement. Hada, c'est ça le hal. Yani, hal, hada, le marid, il ne peut pas se prosterner. Ou, il ne peut pas faire le sujoud. والله تعالى أعلم مسألة كيفية الجلوس الآن on a beaucoup parlé نحن de que ça soit في السفر que ça soit في الجهاد que ça soit الخائف que ça soit المريض العاجز أنه يجوز له de faire صلاة الجلوس لكن قد يقول قائل كيفية أو comment s'asseoir كيف تجلس في هذه المسألة يدي حديث الظاهر لكن لا يثبت في هذا الشيء. Il n'y a rien d'authentique dans cette masala. Le mari, il fait salat et il prend la position qu'il est le plus à l'aise. Murabba'a hakada, s'il peut s'asseoir hakada, la position classique, hadi, ma'roufa, ou sur les genoux. Al-Muhim, il n'y a pas de hadith qui montre une précision ou une position précise. Anta, tu fais la position que tu es le plus à l'aise. S'il a besoin d'un coursi, il fait à la coursi. Si ça lui facilite le coursi, là, bas. Lakin, huna tambi, ana ba'd an-nas, haqiqa, ils abusent fi mas'alat as-salat ala al-karasi. Khassatan al-awam. Comme on a expliqué, tu le trouves, il a un petit problème. Tu le trouves, il amène un coursi, fait salat assis. Fi hadha al-hal, t'as la capacité de te mettre debout, de faire ruku' et sujoud. Enfin, c'est des arcanes, la yajouz, tarkuha. Celui qui délaisse, yukhsha alayhi butlan salatu. On voit, nahnu, et vous voyez, donc, tu trouves beaucoup de chaises là. Et certaines situations, il n'y a pas un grand besoin. Il n'y a pas un grand besoin. Et on répète, Allah aussi, il est capable de faire debout, il fait debout. S'il ressent de la fatigue, il s'assoit. S'il ne peut pas faire ruku' ou sujoud, c'est autre chose. Amma du début à la fin, هذا سان خطا كبير وانتشر والله المستعان. Tu trouves en Awam, il fait le trajet de la mosquée. Ah oui, il a travaillé toute la journée. Ça prouve qu'il a la santé. Thomas, il fait le trajet. Il est capable de rester debout 5 minutes pour la salat. Tu le trouves rien, il rentre à la mosquée et avant que l'imam il commence la salat, il est debout, il attend. Dès que l'imam fait le takbir, il s'assoit. Ce genre de personne, il a la capacité d'être debout. Il a travaillé, il marche, il reste debout devant la mosquée, il reste debout à la mosquée, il a fait. Hada la shak. Annahu, c'est une personne, il a la bonne santé, il peut rester debout. Amma, si tu as des problèmes ruku' et sujoud, chaque chose a sa place. Amma, debout, tu te mets debout. Hada, c'est muhim. Mas'ala, ukhra, al-akhira, c'est une mas'ala muhimma. Anna al-marid, ahyanan, il ne peut pas faire salat au masjid debout, pour plusieurs raisons. Imma, le déplacement, ça le fatigue d'aller jusqu'à la mosquée, il est malade. Ou c'est une mosquée où, à Ziham, il y a beaucoup de monde. Enfin, ouais, il est malade, ça le fatigue. Lakin, s'il reste chez lui, il peut faire salat debout. Est-ce qu'il va à la mosquée ou il reste chez lui? Est-ce que il va à la mosquée et il fait salat comme il peut, s'il est fatigué il s'assoit, ou il reste chez lui et il fait salat debout, il respecte son rukn. Mais s'il va à la mosquée, peut-être qu'il n'arrivera pas à rester debout. Mal hal fi hada, yusalli fil masjid li hada. Ahsant, fattaqullah ma stata'tum. Fahuwa, c'est une obligation d'aller au masjid, il va à la mosquée et il fait ce qu'il peut. Lakin qabla hada, il y a quelque chose d'important, il faut qu'on précise. Awwalan, ce qu'il faut savoir, c'est que le mari, aslan, il n'est pas obligé d'aller à la mosquée. Fasbab, c'est min bab al-istihbab. Lianna le malade, aslan, il a le droit de rester faire la prière à la maison. Fanahnu, ce qu'on cite l'an, c'est min bab, c'est quoi l'afdal? Hada. Amma s'il veut, aslan, il ne va pas à la mosquée, il reste chez lui, il est excusé, il est malade. Hada awwalan. Thaniyan, si il va au masjid, c'est afdal. Lianna, il y a un dalil, Ali ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, قال, كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقوم في الصف. Ibn Mas'ud rapporte qu'à leur époque, il y a des malades qui venaient à la mosquée entre deux frères. Maintenant, un frère il le tient par ce côté, un autre par l'autre côté, et il l'emmène, il est malade, jusqu'à qu'il le pose sur le sol. Ça montre que c'est afdal. Ça montre que ce malade il a pris l'azima, fa hada al hal il est afdal. Et dès qu'il arrive dans le sol, il fait comme il peut. Hada tayyib. Hada tayyib. Mais sûr, c'est que ça ne lui rajoute pas sur sa maladie. Amma hada dhahir, ça ne lui rajoutait pas sur sa maladie. Amma si ça grave, là. Hada c'est un dalil, il montre anna si il est capable. Ni voilà où il a un peu de capacité et on l'aide et ça ne lui rajoute pas sur sa maladie. Al-Ahsan, si il peut, il va à la mosquée, tayyib. Thumma yirunchid. Hada dalil awwal. Al-Thani, on l'a vu. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était malade et il est sorti et il a fait salat jama'a avec eux assis. Ça montre que c'est afdal. لكن صيغ الشرب معروف أن الملاد أصلا يجوز له في الصلاة الشرب. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة أو عن الجماعات من أجل المرض. أنه يبقى ديفيرجنس entre les savants d'après ابن المنذر رحمه الله أن le malade il lui est autorisé de rester de faire salat chez lui. لكن نحن لا مسألة كنا سيتي من باب الأفضل. Le meilleur c'est quoi? Si peut aller à la mosquée, أفضل. Il va et il revient. Inch'Allah il a pris بالعزيمة et de مأجور. خاصة أن صلاة الجماعة elle est meilleure que صلاة الفرد. كما في حديث ابن عمر أن صلاة الجماعة elle dépasse صلاة de la personne tout seul de 25 ou 27 degrés. كذلك en allant à la جماعة chaque pas il a des حسنات. Et chaque pas on lui enlève de ses péchés. Bah, tout ça, ça montre que la جماعة elle est أفضل tant que ça ne lui rajoute pas sur sa maladie. أما si ça lui rajoute sur sa maladie, قال عيسى السلام لا ضرر ولا ضرر والله تعالى أعلم. Demain, بإذن الله, on commence صلاة في السفينة et on continue. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.